Qu'est-ce que je ferais si tu serais pas là? Hein? Ben oui. Je te jure que j'animerais pas le matin. Non, c'est ça. Ben très bon, ça, très bonne décision, je te jure. Ouais, très bonne décision d'animer le matin comme ça, sachant que, que t'avais un bébé qui s'en est. Sachant que je ne dors déjà plus. D'ailleurs, tantôt, tu me feras penser, il faut que j'aille acheter une veilleuse. Pas de ouais, non. Calmons-nous un peu le pompon. Est-ce que je peux dormir? Mathieu m'a dit dire quelque chose que je ne sais pas quoi dire, donc... Répéter le nom de l'album, peut-être? Non? Le groupe, c'est Hell Songs, avec la pièce We're Not Gonna Take It Anymore. C'est fluide au bout de ça, quand même. Fluide. Il va être quoi? Knuckles, comme des jointures que je vais te serrer dans la face. Tu me redemandes. Tu t'arrêtes pas. Hein? De Cooks. Hein? De Cooks. Cooks. Cox. Oh, hey, on s'emporte, là. Hey, oui, on se laisse aller un peu trop. hey. Tu m'arrêtes ici. Fierté après ça, je pense que j'en ai plus tant que ça. Là. Non, c'est ça. Mais... Déjà, tu commences avec la barre très, très basse, là. Je peux parler maintenant. Ben, t'es là. Non, il n'y a jamais eu de doute là-dessus. T'as toujours pu parler. On n'aurait pas nécessairement entendu, mais tu peux parler. François-Olivier Marchand, Mathieu Plante, ensemble. Mathieu Plante. À un moment donné, il va péter les plombs. Il va quoi? Il va péter les plombs. OK. Parce que je répète tout le temps son nom. Et j'ai entendu Sidou à quelque part. Ouais, c'est ça. Ouais, ça m'a sorti. Gilly Gaga Gougou. Donc, ça voit demain matin. T'aimes pas mes Gilly Gaga Gougou? Non. J'ai bien de mal à un bébé. Ouais, très très mal. Si tu penses que c'est ça que ça fait, non, c'est pas ça ben, du tout, du tout. C'est ça que Stewie ferait dans la famille Gage. Ah, oh, mais. Gilly Gaga Gougou. Ça serait le fun que ça soit de moi. Bonjour les requins! Bonjour, bonjour! J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Ben sinon, ça va pas bien pour vous autres! Hein? Non, c'est ça. C'est comme évident, comme remarque. Hein, c'est... Si ça va pas bien. Ça va être palpitant pour vous. Je dirais que vous allez avoir des palpitations au cœur. Palpitant pour vous et excitant pour nous. Ah, oh, ben Colin, toi. Hein? Mm-hmm. Hein, nouveau slogan, on va penser à ça. L'émission excitante. Une émission excitante avec des animateurs palpitants. C'est un bon point. Je l'approuve, je seconde et je sous-signe et je persiste. Tu persistes. Persister et signer, ça veut dire quoi, ça? Persister et signer, ça? Oui, hey Mathieu, écoute, je te parle du plus grand livre du monde. OK. Qui a été vendu à combien, tu penses? 35$. Ben non. C'est le max que je paierais pour un livre. 35$, t'as marre. C'est beau ton insouciance, Mathieu. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Oh oui, tu vas venir? Oui. Comme c'est... hier soir. c'est un fait qui s'en vient dans quelques minutes. À peine! Oui, c'était un jeu de mots incroyable. C'était un... Fantastique, ça. Fantastique. T'as même pas prononcé le T. C'est fantastique. C'est la langue qui prononce en frappant les dents. Malgré tous les efforts qui sont faits, les femmes subissent encore trop de violences conjugales, trop d'agressions sexuelles. Et ça, c'est encore quelque chose que vivent majoritairement les femmes. On sait que ça arrive aux hommes, mais c'est encore... Faut que ça arrive plus aux hommes. Ça va-tu me toucher genre vraiment profondément, comme je vais être surpris? Je vais être excité? Tu vas être surpris. OK. Ça, c'est sûr. OK. C'est quelqu'un aussi qui... Ah non, écoute, je peux pas t'en dire plus. Là, tu me titilles, là. Tu me titilles et tu m'excites, tu me titexites, tu m'excitilles, je dirais. Ah ben, écoute, je suis là pour ça. Ouh! Serre-moi ça, ce petit sourire, là. Ben non, mais j'aime l'utiliser. Avec toi. Je vois bien ça, oui. Get up, sortez du lit! Sortez du lit, bâtard! Sortez du lit, bâtard!